Chapitre quatrième. Tout embrumé de sommeil, Harmonie ouvrit les yeux. Sa nuit avait été formidable, ses rêves très érotiques. Elle se sentait en grande forme. Ce matin, elle irait au spa après le petit déjeuner et se ferait masser. La soirée du commandant était programmée pour ce soir. Elle se voulait resplendissante. Sa robe de soirée sortait tout droit d'un conte de fées. Noire, dégradée de ton fumé et en voile et dentelle, une splendeur. Longue et très près du corps, les voiles aériens au-dessus la faisaient ressembler à un papillon. Son loup de dentelle noire agrémenté de fines paillettes argentées laissait juste entrevoir ses yeux d'ambre et ses lèvres sensuelles. Elle se morigéna encore une fois, mais avec beaucoup moins de force que la dernière fois. Et même si elle avait une aventure avec Jérémy, une aventure de quelques jours, sans ajouter les sentiments, cela ne ferait de mal à personne. Qui voulait-elle réellement persuader? En peignoir de bain, elle fermait sa porte lorsqu'elle vit du coin de l'œil un homme sortir de la dernière cabine de sa coursive. C'était bien à la suite où elle croyait avoir vu Jérémy entrer la veille furtivement. L'homme maigre, grand, marchait, voûté, comme s'il ne voulait pas que l'on distinguât son visage. D'un pas léger, il la dépassa et se dirigea vers les ascenseurs. Elle eut l'instinct premier de le suivre. Se ressaisissant, elle s'arrêta net. Pas en peignoir de bain tout de même. Après tout, pourquoi faire tant d'histoires? Jérémy pouvait bien avoir des connaissances sur ce navire. Il n'était pas obligé de tout lui dire, d'ailleurs, elle aussi lui avait menti. Elle se dirigea tranquillement vers l'Institut de beauté, bien décidée à y passer la matinée. Jérémy finissait quant à lui son petit déjeuner. Son fils venait de partir pour la journée, il était tranquille. Sortant son ordinateur, il fit le code secret sécurisé. Il enclencha la clé USB dérobée la veille et regarda défiler les informations précieuses qu'il devait envoyer immédiatement. Il ouvrit des yeux incrédules sur ce qu'il lisait. « C'est impossible » murmura-t-il. Défilait devant ses yeux un brevet déposé par le directeur de son labo de New York, faisant état d'un virus, l'Ovidius 51. Ce virus, s'il était lâché dans la nature, ferait des millions, voire des centaines de millions de morts sur toute la planète. Voilà pourquoi la CIA l'avait embrigadé là-dedans. Il comprenait mieux l'enjeu à présent. C'était tout simplement monstrueux. Défila ensuite la formule complète, le génome de cette horreur. Mais pas comment l'éradiquer, se dit Jérémy, plus que catastrophé, sachant ce qu'il venait de subtiliser. Il n'était pas un agent, pas un espion. Simplement un chercheur, et de savoir ce qu'il détenait le fit blanchir jusqu'à la racine des cheveux. Si quelqu'un, une puissance ennemie, prenait connaissance de ce virus, elle pourrait d'ici quelques mois en trouver l'antidote, et ensuite, facile, éradiquer plus de la moitié de la planète et se retrouver maître de ce monde. Avec des krachs boursiers en série, une économie à l'agonie, un monde dévasté. Jérémy eut un vertige. Il regarda la porte de sa cabine avec appréhension. Avait-il entendu celle-ci s'ouvrir? Le vol avait-il déjà été découvert? Se ressaisissant, il entra un autre code et commença le téléchargement. Cependant, arrivé au génome du virus, il arrêta le programme. Il était déterminé, vu l'enjeu, à leur demander le médicament pour la jeune femme. Au bout de quelques minutes, son téléphone résonna. « Oui, » répondit-il. Monsieur Emerson, nous avons un problème. Pourriez-vous relancer le téléchargement? Il s'est arrêté subitement. J'ose espérer que vous n'y êtes pour rien. Jérémy prit une grande inspiration et déclara gravement: j'ai besoin d'une faveur. Un silence, puis la voix encore plus métallique reprit: vous nous faites du chantage, monsieur Emerson? Non, pas du tout. Je veux seulement une faveur, une grande faveur. Un autre silence encore plus pesant et plus long. Nous vous écoutons. J'ai une amie très chère, qui a un cancer en phase terminale. Je veux que vous me donniez le médicament. Vous savez combien coûte ce médicament, monsieur Emerson? Je sais surtout que je l'ai trouvé, que vous faites des profits en or avec, en le donnant à des gens très riches. J'ai trouvé ce médicament et j'estime aujourd'hui que j'ai un droit de regard aussi dessus. Vous n'avez aucun droit, monsieur Emerson. Ce médicament, vous ne le fabriquez pas. Il n'est élaboré qu'en très petite quantité, et comme vous le dites si bien, à des prix exorbitants. Nous ne pouvons nous permettre de vous en donner. Jérémie prit une grande respiration et d'un trait déclara: Très bien. En ce cas, je vais jeter cette clé par-dessus bord et vous n'aurez pas non plus la formule de ce satané virus. Faites extrêmement attention à ce que vous allez faire, Emerson. Jérémie ne laissa pas la voix le menacer davantage. Il lui coupa la parole et dit: Si demain, à la même heure, nous ne trouvons pas un accord, cette clé disparaîtra à jamais dans la Méditerranée. Il coupa la conversation et resta un instant hébété. Qu'avait-il fait? Une menace aussi énorme avec un organisme d'État secret. Bon sang, il commença à avoir sérieusement des doutes sur sa santé mentale. Il fallait qu'il se reprenne. Il avait pourtant bien réfléchi avant de décider de faire chanter ces hautes instances de l'État. Il savait ce qu'il risquait. Il se doutait aussi qu'ils auraient besoin de lui. Il était fameux dans son domaine. Il supposa que la formule de ce virus ne leur suffirait pas. Il leur faudrait trouver l'antidote. Et qui mieux que lui pourrait le faire? Il s'assit dans un transat sur son balcon, puis se leva et se dirigea vers le bar de sa suite. Il se servit une rasade de cognac et retourna sur son balcon s'appuyer à la rambarde. Il ne voyait même pas les flots, ni même le sillage blanc que laissait le navire derrière lui. Il ne pensait qu'à la menace de la voix au téléphone. Pouvait-il avoir un agent sur ce bateau qui le surveillait? Bien possible, lui répondit sa voix intérieure, vu l'enjeu. Allait-il le supprimer? C'était également une possibilité. Sur ce genre de bâtiment, un accident était vite arrivé si l'on y prenait garde. Un suicide, par exemple. Une lettre laissée en évidence qui déclarerait qu'il en avait assez de cette vie. Il remarqua soudain que la main qui tenait son verre tremblait. Ne venait-il pas de mettre son propre fils, ainsi qu'Harmonie, en grand danger? Il fallait qu'il cesse toutes ces questions et peurs inutiles, de toute façon ce qui était fait. Il posa son verre sans le terminer et passa dans la salle de bain. Un bon bain bouillonnant lui ferait le plus grand bien. Il devait se détendre. La soirée du commandant commençait dans 3 heures et il voulait s'y rendre et s'amuser avec Harmonie. Il lui tardait de la revoir. Il suspendit son costume et s'allongea dans l'eau chaude avec délice. Il se réveilla en sursaut. Quelqu'un frappait à sa porte. Se redressant, il sortit de sa baignoire, enfila rapidement son peignoir et alla ouvrir. Ses craintes avaient disparu. Il ne ferait rien tant qu'il n'aurait pas la clé USB. Le steward lui sourit et lui tendit sa commande. Il lui donna un bon pourboire, satisfait. Il se sécha les cheveux, puis enfila son costume. Il eut un peu de mal à assujettir sa perruque et pouffa de rire en voyant son reflet dans le miroir. Il prit l'accessoire qui allait avec, coiffa soigneusement ses faux cheveux blonds et longs, et ajouta une touche d'Acqua di Gio, son parfum préféré. Finalement, il espéra que ce costume de la divinité nordique Thor réjouirait la jeune femme. Il était fin prêt. Pas mal, se complima-t-il en se mirant dans la glace de la salle de bain. Avec un léger sourire espiègle, il se moqua de lui. Il était temps de se présenter à sa cavalière. Il sortit de sa cabine et se dirigea vers la suite d'Harmonie. Pourquoi était-il aussi fébrile? Une seule journée sans la revoir et elle lui manquait déjà. En était-il de même pour elle? Lorsqu'elle lui ouvrit la porte, il resta ébahi. Il avait une fée devant lui. Tout en voile et dentelle, elle était tout simplement un rêve. Elle lui souriait, elle lui parlait, mais il n'avait rien entendu. Il avait même oublié la douzaine de roses rouges baccarat qu'il voulait lui offrir. Il les lui tendit finalement. Excusez-moi, vous êtes somptueuse. Je vais faire l'effet d'un homme des cavernes à vos côtés. Merci, je suis flattée. Je dois dire que vous n'êtes pas mal non plus. Le côté homme des cavernes vous sied à ravir. J'aime beaucoup. Voulez-vous une coupe de champagne? Ou bien préférez-vous la prendre en bas? Ces fleurs sont tout simplement merveilleuses. Je les mets de suite dans un vase. Elle s'aperçut qu'elle se grisait de paroles et s'arrêta. Elle le fit entrer et s'occupa des fleurs rapidement. Pendant ce temps, Jérémie dut résister à l'envie irrépressible qu'il avait de l'embrasser. C'était peut-être trop tôt et il ne voulait pas l'effaroucher. Eh bien, nous risquons d'être en retard si nous nous attardons, qu'en pensez-vous? Elle eut un moment d'hésitation, mais elle se reprit très vite. Vous avez raison, descendons. Ils croisèrent en chemin des hommes et des femmes dans des tenues sophistiquées, compliquées et fort coûteuses. Mais Jérémie ne voyait que la jeune femme qui l'accompagnait et dont il sentait la main qui s'appuyait légèrement sur son bras. Une douce chaleur lui envahissait peu à peu tout le corps. Jamais il n'avait ressenti cette sensation. Pourtant, il avait aimé sa femme. C'est alors qu'il comprit que le terme « âme sœur » voulait réellement dire. Elle était son autre, sa moitié, et jamais, plus jamais, le monde ne serait pareil à avant cette rencontre. La salle de l'orchidée d'argent, somptueusement décorée de rubans en soie multicolore, ressemblait à une serre précieuse. Disséminés çà et là, des couples discutaient, une coupe de champagne à la main. D'autres dansaient sur un slow langoureux. Tout n'était que luxe et ambiance feutrée. Le commandant en grande tenue vint vers eux, les mains tendues en un geste de bienvenue. Son français était parfait, bien qu'avec son accent chantant italien, il y mélangeât quelques mots de sa langue. Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur le Bird of Paradise. J'espère que cette croisière sera à votre goût. Je vous en prie, votre place est réservée à ma table, monsieur Emerson. C'était un honneur que d'être invité à la table du commandant. Ce dernier, cependant, au bout d'une heure à peine, s'excusa. Son quart de veille devait commencer, et même le commandant devait faire son devoir. La salle l'applaudit chaleureusement pendant qu'il saluait ses convives. Blinis et caviar, foie gras, huîtres et autres coquillages étaient au menu, ainsi que du homard thermidor. Vint ensuite le plateau de fromage que les serveurs apportèrent sur une table immense. Ils n'en présentèrent pas moins d'une centaine de sortes. Puis vint une pièce montée, représentant le navire lui-même, avec en son sommet une bougie. Les invités applaudirent de nouveau. Le champagne coula à flots, et une musique douce commença à emplir la salle. Un orchestre s'était installé sur l'estrade. Une présentatrice prit le micro. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du Bird of Paradise. Cette soirée est la vôtre aussi. L'orchestre est à votre disposition pour jouer tous les airs que vous demanderez et la piste de danse vous est réservée. Je vous souhaite une très belle soirée. Jérémie tendit sa main vers la jeune femme. Voulez-vous me faire l'honneur et avant tout choisir votre morceau de musique? Volontiers. Elle se leva, se dirigea vers les musiciens et leur confia ce qu'elle désirait entendre. Ils accordèrent leurs instruments et attendirent qu'elle leur fît un petit geste de la main pour débuter. Elle glissa plus qu'elle ne marcha vers Jérémie. Elle lui tendit la main. Ce dernier la lui emprisonna dans la sienne le plus délicatement possible et la maintint tout contre lui. Elle fit alors le signe aux musiciens et ceux-ci commencèrent à jouer. « Je connais, » fit doucement Jérémie à son oreille. C'est mon morceau préféré. Comment avez-vous su? Elle le regarda et répondit étonnée. C'est aussi le mien. La musique, mais également le film. Ghost, an enchanted melody. Ils vont bien avec vous. Je dois vous dire que vous m'avez conquis. Je ne vais bientôt plus pouvoir me passer de vous. Harmonie se sentait comme sur un nuage, dans un rêve, le plus fou qu'elle ait imaginé de toute sa vie. Bien que sa voix intérieure la mît encore une fois en garde, elle ne put résister dans ses bras jusqu'à la fin du morceau. Ils rejoignirent ensuite leur table et discutèrent de tous les sujets possibles et inimaginables, sans plus de tabou. Ils dansèrent encore et encore, jusqu'à ce que Jérémie voie que la jeune femme était épuisée. Alors, lentement, il la prit par la taille et la raccompagna à sa suite. Mais à la place du baise-main, il se pencha lentement vers elle. Elle lui prit les lèvres en un baiser léger. « À demain, » lui dit-il dans un souffle. « Rêvez de moi comme je vais rêver de vous. » Et il disparut avant qu'Harmonie ne rouvre les yeux.